Et après 20 ans de bons et loyaux services, la sonde Cassini a cessé d'émettre tout à l'heure à 12h31, heure de Paris, après une plongée aussi vertigineuse que kamikaze dans l'atmosphère de Saturne. C'est un euphémisme que de dire que cette mission Cassini-Huygens est un franc succès. Prévue pour rester 4 ans en orbite autour de Saturne, elle en sera restée 11 de plus et aura permis de découvrir un système incroyablement dynamique entre Saturne, ses satellites et ses anneaux, ainsi que des environnements totalement inédits, comme l'atmosphère et les lacs d'hydrocarbures de Titan, ou l'océan souterrain d'Encelade, un océan qui, cerise sur le gâteau, pourrait peut-être abriter la vie. Cassini, le grand final, c'est le programme spécial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'histoire de cette mission, ses apports jusque dans ces toutes dernières minutes, cette plongée dans l'atmosphère de Saturne qui a eu lieu tout à l'heure, eh bien nous avons le plaisir d'accueillir pour cette édition spéciale de la méthode scientifique Jean-Pierre Le Breton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien responsable scientifique et technique de la mission Cassini pour l'Agence spatiale européenne. Également Philippe Zarca, bonjour. Bonjour. Astrophysicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Et nous serons en ligne tout à l'heure avec le président du CNES et le président du conseil de l'ESA, Jean-Yves Le Gall. Mais ce sera dans une dizaine de minutes, puisqu'avant cela, comme chaque vendredi, elle est celle qui orbite sans cesse à l'affût du moindre détail de l'actualité scientifique la plus brûlante. C'est ce que je fais. Bonjour Zoé Sfez. Bonjour, bonjour Nicolas. C'est bonjour. Le journal des sciences. Le journal des sciences. Et pour commencer cette semaine, le virus Zika pourrait être l'un des meilleurs atouts, l'une des meilleures armes contre le glioblastome, qui est un cancer du cerveau considéré aujourd'hui comme incurable. Oui, c'est en tout cas ce que révèle une étude qui a été publiée ce mois-ci, en début de mois, dans le Journal of Experimental Medicine, qui a beaucoup fait parler d'elle, cette étude. Je rappelle que le glioblastome, c'est un cancer qui vient du cerveau et qui reste dans le cerveau. Il y a 3000 nouveaux cas diagnostiqués tous les ans en France, avec seulement 3% des malades qui survivent plus de 4 ans. Et pour cause, ce cancer se développe à partir des cellules souches progénitrices du cerveau. Il est donc très difficile d'y accéder et les traitements ont beaucoup de mal à atteindre ces fameuses cellules. Résultat, le cancer quasiment irrémédiablement récidive. Alors pourquoi se servir de Zika, qui est un virus plutôt inoffensif sur les adultes, mais qui fait des ravages, notamment sur le développement cérébral des fœtus, notamment lors de la grande épidémie qu'il y a eu au Brésil en 2015. Eh bien, justement, pour cette raison, m'a expliqué Milan Sheba de l'école de médecine de l'université de Washington. Il est l'un des auteurs de cette étude. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi les cellules souches du glioblastome résistent-elles aux traitements les plus agressifs et comment faire pour les attaquer ? Ce que l'on sait, c'est que ces cellules souches du cancer ont beaucoup de points communs avec les cellules du cerveau en développement chez l'embryon. Donc, quand l'épidémie de Zika s'est déclarée en 2015 et que l'on a vu les dommages terribles que le virus causait sur le développement cérébral des fœtus, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas retourner les armes de la nature contre elle-même et utiliser ce pouvoir de destruction que Zika a sur les cellules cérébrales de l'embryon pour nous attaquer les cellules souches du glioblastome, qui leur ressemblent tant. Et c'est ce qu'on a fait en testant Zika dans plusieurs modèles. D'abord sur les cellules cancéreuses prélevées sur des patients et cultivées en laboratoire, et Zika les a tuées. Puis nous avons testé le virus, cette fois sur des biopsies de tumeurs qui venaient d'être prélevées en salle d'opération. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement Zika tue les cellules cancéreuses, mais qu'il reste dans ces cellules et qu'il laisse les cellules normales et saines absolument intactes. Alors pour le moment, évidemment, cette étude en est à ses tout premiers stades expérimentaux, mais l'équipe de recherche espère, Zoé, une application possible d'ici 3 ans. Oui, alors il y a un enthousiasme assez important autour de cette étude où Zika donc, a été testée dans plusieurs modèles, c'est ça sa force, y compris et avec beaucoup de succès sur des souris malades. J'ai demandé son avis sur cette étude à Olivier Chineau, c'est le chef de service de neuro-oncologie de l'hôpital de la Timone à Marseille. Alors lui, il est très intéressé, mais il modère un petit peu, évidemment, les attentes. Il rappelle qu'en matière de recherche sur le glioblastome, il y a des études qui paraissent très régulièrement, mais l'idée d'utiliser un virus pour traiter le cancer, qui n'est pas une idée nouvelle, lui paraît tout de même très pertinente et ici très bien menée. L'intérêt d'un virus, c'est qu'il infecte beaucoup de cellules. Et parmi les choses qui sont intéressantes dans ce travail, c'est qu'il montre bien qu'effectivement, quand il laisse, plus il laisse de temps, plus ça affecte de cellules. Et c'est ça qui nous intéresse dans le traitement d'un cancer comme le glioblastome, c'est qu'il ne s'arrête pas juste aux premières cellules atteintes, mais qu'il puisse infecter les cellules de proche en proche pour pouvoir arriver à éradiquer jusqu'à la dernière cellule. Parce que ça fait partie des limites des traitements actuels de ne pas pouvoir toucher toutes les cellules. Donc ça, c'est le gros intérêt d'un virus. Mais le gros inconvénient, c'est qu'il faut qu'on arrive vraiment à développer des virus qui soient des virus qui n'aient pas de toxicité. Et là, je pense qu'il y a encore un peu de travail. En bref, le Premier ministre Édouard Philippe a confié la semaine dernière à Cédric Villani une mission sur l'intelligence artificielle. Qui doit déboucher sur une stratégie nationale dans ce domaine jugé crucial pour la souveraineté de la France, comme déjà l'a fait la Chine, le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud, qui ont tous des programmes nationaux. Le mathématicien qui est, je le rappelle, député La République En Marche, mènera près de 200 auditions pendant 4 mois pour déterminer les atouts, les défis et les axes de travail. Et justement, un outil d'intelligence artificielle développé pour détecter l'homosexualité a suscité les condamnations unanimes de la communauté internationale. Tout à fait, l'université américaine de Stanford a provoqué un tollé en présentant cet outil de reconnaissance faciale capable, selon les chercheurs qui l'ont développé, de déceler l'homosexualité à partir de photos. Des photos qui étaient issues notamment de sites de rencontres, présentées donc comme un gaydar, contraction radar, radar à gay. Cet outil a été critiqué donc à la fois par des sociologues et par des scientifiques qui pointent de toute façon les limites scientifiques de cet outil et surtout évidemment, vous l'avez dit, par les associations LGBT qui le jugent discriminant et dangereux. Et pour le deuxième sujet de la semaine, on part dans l'espace. Les comètes contiendraient de la matière organique plus ancienne que notre système solaire. Et oui, c'est ce que deux chercheurs français émettent comme hypothèse, et cela grâce à ce que la sonde Rosetta nous a ramené comme information de la comète Chury, et notamment de ce qui se trouve dans son noyau. Un noyau qui, d'une part, contient beaucoup plus de matière organique qu'on ne le pensait, mais qui nous pousse surtout à envisager un scénario de formation des comètes de manière tout à fait nouvelle, explique Jean-Loup Berthaud du laboratoire Atmosphère, milieu observation spatiale, qui est l'un des co-auteurs de cette étude. Une chose très importante, c'est que ça nous a permis de clarifier le scénario de formation des comètes. Disons qu'il y a eu une étude très poussée avec différents éléments qui montrent qu'une comète s'est formée en même temps que le système solaire. Alors vous savez que le système solaire s'est fait par la contraction d'un nuage de poussière et de gaz, mais en ce qui concerne les comètes, elles se sont formées à assez grande distance du Soleil, disons 15 fois la distance Soleil-Terre. Le processus de formation est non violent, c'est-à-dire qu'il y avait des petits grains interstellaires qui se sont collés les uns aux autres, et puis ça a formé des petits cailloux, des petits galets. Ces petits galets se sont collés les uns aux autres et sont arrivés jusqu'à la taille actuelle de la comète Chury. Deuxième point très important, c'est que des grains de poussière qui sont détachés de la comète ont pu être analysés à partir de la sonde Rosetta qui était en orbite autour. Et chaque grain a pu être analysé et on s'aperçoit qu'elle contient beaucoup de matière organique et en particulier des molécules très complexes, très lourdes, disons, qui sont beaucoup plus lourdes que ce que l'instrument pouvait mesurer. Mais vraiment, la démonstration est faite que la matière solide, disons, de la comète contient 40% de matière organique. 40%, c'est absolument énorme. En bref, il pourrait exister de nombreuses formes de vie dans les grottes glaciales de l'Antarctique, Zoé. Et ce, loin, très très loin de la surface, c'est ce que pensent des chercheurs australiens qui ont travaillé sur le mont Erebus, un volcan actif qui est le plus austral du monde. Ils se sont rendus compte qu'il existait sous ce volcan un important réseau de grottes. Mieux, des traces d'ADN qui proviennent d'algues ou d'animaux ont été retrouvées sur ce mont Erebus, y compris des séquences qui n'ont pas pu être identifiées, ce qui veut dire qu'elles appartiendraient à des organismes vivants inconnus de nous. Ce qui va intéresser l'exobiologie et notamment ce dont on va parler tout à l'heure autour des lunes glaciales autour de Saturne. En bref, toujours, la génétique prouve que l'un des plus grands guerriers vikings était en fait une guerrière. Il s'appelait Hjalmar Stolpe et son tombeau du Xe siècle, l'un des plus beaux et importants découverts en Suède, avait intrigué les archéologues qui l'avaient découvert en 1800 puisque ce grand chef de guerre était enterré avec des objets féminins. Impossible pourtant, estiment à l'époque les archéologues, que ce grand chef soit une femme. Eh bien, une ostéologue de Stockholm a finalement prouvé le 9 septembre dernier, eh bien que si, grâce à l'ADN contenu dans la tombe, une découverte qui conduit donc les historiens à repenser tout ce qu'ils croyaient savoir sur la civilisation viking. Et dans notre rubrique science improbable de la semaine, eh bien c'était cette semaine l'attribution des Ig Nobel, les prix Nobel fictifs attribués chaque année aux recherches qui font d'abord rire et ensuite réfléchir. Et oui, en cette 27e édition qui se déroule chaque année à Harvard, les Ig Nobel, donc contraction de Nobel et d'ignoble, ont récompensé comme toujours plusieurs catégories, notant récompenses cette année, notons la présence de chercheurs parisiens et lyonnais qui, dans la catégorie médecine, pour leur recherche fort sérieuse sur les explications neurologiques de l'appétence ou non pour les fromages français qui puent. L'Académie a salué l'utilisation de technologies avancées d'imagerie cérébrale pour mesurer à quel point les personnes dégoûtées par le fromage sont dégoûtées par le fromage. Il y a eu un prix d'obstétrique à noter qui a été décerné à des chercheurs espagnols qui ont mené des recherches pour savoir si les fœtus réagissent plus lorsque la musique est diffusée au travers du ventre de la mère ou s'ils réagissent encore plus quand on met directement un système audiophonique dans son vagin. Est-ce que je m'en tiens là, Nicolas Martin? J'hésite à aller plus loin. Un prix anatomique qui a été remis à une étude britannique brillante datée de 95 qui s'intitule « Pourquoi les hommes âgés ont-ils de grandes oreilles ?» Et oui, James Heathcott, ce chercheur, est le premier à avoir scientifiquement établi une corrélation entre la taille des oreilles et l'âge des mâles de l'espèce humaine. Eh bien, on attend bientôt les vrais prix Nobel. Ce sera dans une quinzaine de jours, 3 semaines, me semble. Zoé, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Journal des Sciences. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Mais l'actualité principale du jour, eh bien, c'est évidemment la fin de la mission Cassini-Huygens dont nous allons parler tout au long de l'heure qu'il nous reste. La sonde a plongé tout à l'heure à 12h31 heure de Paris dans l'atmosphère de Saturne pour s'y désagréger au terme d'une mission de 20 ans. Les images, ou en tout cas, pas les images parce qu'il n'y a pas eu d'images, mais en tout cas, les informations justement sur ces derniers instants nous sont parvenues environ 1h30 après à 13h53. Et nous sommes en ligne en ce moment avec le président du CNES et président du conseil de l'ESA, Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez suivi en direct les derniers instants de Cassini. On peut dire que c'est une mission qui a tenu plus que ses promesses. Elle devait durer 4 ans à l'origine, a été prolongée pour atteindre 13 ans. C'est un succès scientifique, technologique indiscutable. C'est un succès absolument extraordinaire parce que avec Cassini, on a eu une connaissance de Saturne, de ses satellites, des anneaux comme on n'avait jamais eu auparavant. Et encore tout à l'heure, là, je regardais en direct donc les images envoyées du Caltech. Jusqu'à la dernière minute, Cassini a envoyé des images. Donc on voit les anneaux, on voit Saturne. C'est finalement des images, on a l'impression que c'est de la science-fiction, mais là, pour le coup, la science-fiction devient de la réalité. Un apport scientifique qui vous paraît indiscutable, peut-être le plus important à vos yeux de cette mission Cassini-Huygens? La connaissance d'un monde inconnu. Avant Cassini-Huygens, on n'avait d'abord aucune idée sur Saturne de la forme qu'avaient les anneaux. On pensait que c'était de la poussière. Eh bien, on a découvert qu'en fait, c'était des amas de roches, des structures tubulaires qui s'entrechoquent, qui défient pratiquement les lois de la physique. On a découvert que les anneaux étaient beaucoup plus fins que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis Huygens, bien sûr, l'atterrisseur européen qui s'est posé sur Titan, où là, on ne savait absolument pas ce qu'était Titan, puisque l'atmosphère est totalement opaque. Et donc, on est passé à travers les nuages et puis on a ces paysages que tout le monde a vus, ces deltas d'hydrocarbures qui se jettent dans un océan d'hydrocarbures, des choses absolument extraordinaires. C'est Cassini-Huygens, une mission conjointe ESA-NASA. Alors, outre les informations sur le système saturnien, c'est aussi une vraie victoire en matière de collaboration internationale spatiale. Mais ce genre de grandes missions ne peuvent être faites d'une part qu'en collaboration internationale et d'autre part que par les agences, parce que il faut d'abord une très très longue période de temps. Cassini-Huygens, ça a été décidé il y a à peu près 30 ans, ça a été lancé il y a 20 ans, donc il faut une permanence dans l'effort, une continuité dans l'effort, il faut des compétences qui sont vraiment à la limite de ce qu'on sait faire, une communauté scientifique particulièrement riche, capable d'inventer ses missions, ensuite de suivre tout ce qui se passe. Tout à l'heure, c'était frappant parce que on voyait les scientifiques qui étaient là au début. Alors au début, ils avaient 30-40 ans, évidemment, 30 ans plus tard, ils ont 30 ans de plus, donc 60-70 ans, mais ces gens-là vivent toujours, et ils avaient tous finalement l'air très triste, une larme au visage, parce que depuis 20 ans, tous les jours, ils avaient des nouvelles de Cassini. Il y a quelques temps, j'ai rencontré Ed Stone, qui lui est le père des missions Voyager. Il a plus de 70 ans, il m'a expliqué que depuis 40 ans, tous les jours, il est en communication avec Voyager. Et donc là, c'est pareil, Cassini, il y a des gens, quelques dizaines de personnes qui, depuis 20 ans, tous les jours, sont en communication avec Cassini. Et ça s'arrête ce soir. Mais ce soir, je crois qu'il va y avoir des gens assez tristes, mais en même temps, auxquels il faut tirer un grand coup de chapeau, parce que grâce à eux, l'humanité a beaucoup, beaucoup appris sur le système de Saturne. On demandera dans un instant à Jean-Pierre Le Breton s'il a écrasé une petite larme tout à l'heure. Un dernier mot, Jean-Yves Le Gall, Cassini est mort, vif Cassini. Quelles sont les prochaines missions, du coup, qu'envisage l'ESA pour poursuivre cette exploration du système saturnien ? Il y a les missions décidées d'abord qui vont arriver dans les mois qui viennent pour d'autres planètes. Bepi Colombo qui va aller explorer Mercure, on n'est jamais allé sur Mercure. Solar Orbiter qui va aller s'intéresser au Soleil. Et puis le grand projet de l'ESA, c'est JUICE, c'est-à-dire l'équivalent de Cassini, mais pour Jupiter cette fois-ci. Donc JUICE, c'est pour la prochaine décennie. Et puis en coopération avec la NASA, on travaille sur Europe aussi, une lune de Jupiter. Et là, il s'agit de poser à la surface d'Europe une sorte de mini sous-marin qui traversera la couche de glace pour aller explorer l'océan. Des choses là aussi tout à fait extraordinaires. Il faut attendre encore quelques années. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gall d'avoir été avec nous en direct au téléphone. On va continuer à parler donc de cette mission Cassini-Huygens et puis des apports scientifiques de cette mission hein, avec donc nos deux invités, Jean-Pierre Le Breton, ancien responsable scientifique et technique de la mission Cassini pour l'Agence spatiale européenne, et Philippe Zarca, qui est astrophysicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Peut-être, alors justement, Jean-Pierre Le Breton, est-ce que vous avez écrasé une petite larme tout à l'heure à la perte du signal à 13h53 ? Écraser une petite larme, non, peut-être pas, j'ai su me retenir, mais peut-être que ce soir je vais m'écrouler, parce que bon, il y a quand même une certaine, une très forte émotion même, et bon, on a besoin de continuer à réfléchir, à travailler, et pour l'instant ça va, mais c'est vrai que ça me fait quelque chose. C'est clair que bon, moi ça fait 33 ans que je travaille sur cette mission, je ne la commande pas tous les jours. Mais je regarde régulièrement les données de l'un des instruments de l'orbiteur auquel je suis associé. Et c'est vrai que ça me fera quelque chose. Je regardais pratiquement tous les jours depuis quelques temps. Et ça me fera quelque chose de ne pas voir des données nouvelles lorsque j'ouvrirai mon ordinateur demain. Mais bon. Une chose que l'un et l'autre que vous avez retenu justement dans les derniers envois de ce grand final qui a commencé il y a plus de 4 mois maintenant, une image, une information que vous retenez, qui vous ont touché particulièrement, Jean-Pierre Le Breton? Alors moi, l'information, je vais citer une non-observation en quelque sorte par l'instrument RPWS, l'instrument radio plasma, c'est qu'on s'attendait à avoir beaucoup de poussière entre les anneaux et la haute atmosphère, et finalement ça s'est avéré pratiquement vide. Bon, il y a un peu de poussière, faut laisser le temps aux scientifiques directement impliqués pour comprendre les données. Il y a un peu de poussière, mais il y en a beaucoup moins qu'on le craignait, parce que des précautions avaient été prises pour protéger Cassini, avec en particulier l'antenne parabolique Grand Gain, pour le protéger des poussières au cas où. Eh bien, au bout de 2 ou 3 passages, on s'est aperçu que c'était pas la peine, que même s'il y avait un peu de poussière, Cassini pouvait très bien traverser ce nuage sans problème. Et donc, c'est une découverte, mais ça montre aussi qu'on est allé dans une région inconnue, et puis on s'était trompé. Donc, on a avancé. Philippe Zarca, vous, une information de ce grand final que vous avez retenu, une information, Disons, une image, j'ai suivi déjà des choses qui se font avec les instruments qui ne sont pas ceux sur lesquels je travaille. Par exemple, les mesures in situ, hein, localement, de l'atmosphère et de l'ionosphère. Ça, c'est vraiment des choses uniques qu'on n'a jamais pu faire avant, puisqu'on rase littéralement l'atmosphère à chaque passage. Et puis... Évidemment, j'ai vu aussi que c'était une trajectoire qui était très importante pour mesurer la masse des anneaux. Les anneaux, même quand on travaille pas dessus, c'est absolument fascinant, les découvertes qu'il y a eu sur Cassini. Et apparemment, les mesures fines de masse vont permettre peut-être de trancher entre les scénarios de formation. Mmh. Ça, c'est intéressant, savoir est-ce qu'ils sont vieux, est-ce qu'ils sont jeunes. Voilà. Et puis, pour ce qui me concerne plus directement, il s'agit du même instrument que celui dont parlait Jean-Pierre, c'est-à-dire l'instrument radio, en fait, qui a été construit pour moitié Olesia, donc dans mon laboratoire, l'Observatoire de Paris. En 2008, on était très très contents parce que Cassini était, lors de ses rares trajectoires à haute latitude, était passé dans une source radio au-dessus des aurores, et on en avait tiré déjà à l'époque une douzaine d'articles scientifiques. Et là, on a une collection de dizaines de passages, donc j'ai juste vu les données brutes, mais il y a de quoi en saliver. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides, Philippe Zarca, vous êtes venu avec des sons qui ne sont pas des sons, mais qui sont des transcriptions d'ondes radio. Voilà. Expliquez-nous ce que Alors c'est. Alors en fait, quand on observe des ondes radio, normalement, en particulier les ondes radio qu'on observe avec Cassini, sont des ondes radio de très grande longueur d'onde. Bon, et comme les détails avec lesquels on peut faire des images sont proportionnels à la longueur d'onde, plus la longueur d'onde est grande, plus on est myope. Donc en fait, la manière traditionnelle selon laquelle on analyse ces ondes radio, c'est en regardant comment leur énergie varie, et elle varie beaucoup, en fonction du temps et de la fréquence. Voilà. Alors, avec le récepteur RPWS de Cassini, on fait aussi des images, mais c'est une autre chose. Donc, l'énergie varie en fonction du temps et de la fréquence, et ça, c'est tout à fait similaire à la manière dont on décompose un son. C'est similaire à un sonogramme. Et donc, comme c'est un domaine un petit peu aride, l'étude des ondes radio, des champs magnétiques, de la magnétosphère, eh bien, en suivant l'exemple d'un de mes aînés américains, j'ai eu l'idée de faire des transcriptions sonores, donc des images sonores. Il n'y a pas vraiment de son qui vient de Saturne jusqu'à nous, puisque c'est le vide de l'espace. Mais on peut transformer les ondes radio qu'on reçoit en respectant la cornée du temps. Le temps reste le temps, les fréquences restent les fréquences, graves aiguës, mais on les transpose dans le domaine sonore et ça donne des choses tout à fait étranges. On va en écouter le premier extrait qui date de 2003. Expliquez-nous ce qu'on entend. Alors en fait, il s'agit de ce qu'on appelle des ondes de plasma, c'est-à-dire des ondes qui sont à très basse fréquence, à peine plus haut que les fréquences audio, on est vers 50 kHz environ, et ces ondes sont produites par des résonances entre les particules chargées et les champs électriques dans le milieu. Et en l'occurrence, il s'agit essentiellement d'ondes électrostatiques, donc ce ne sont pas des ondes radio qui se propagent à l'infini, mais ce sont des ondes qu'on mesure sur place. Et ça nous apprend des choses sur les distributions de particules, leur accélération, leur énergie, etc. Deuxième extrait. Alors là, vous avez entendu une espèce de pulsation, hein, de souffle régulier. En fait, d'abord, il faut savoir que ce son était énormément accéléré, puisque chaque pulsation, c'est un tour de la planète Saturne sur elle-même. C'est-à-dire, c'est 10h45 minutes environ. On parlera peut-être du environ tout à l'heure. La planète Saturne possède des aurores très brillantes, très intenses, très belles en ultraviolet. Et au-dessus de ces aurores, les électrons qui les produisent, produisent des ondes radio très intenses. Et ces ondes radio ne sont pas émises de manière isotrope, c'est-à-dire dans toutes les directions, mais sont émises un petit peu comme des phares. Et ça aussi, c'est curieux, on en parlera peut-être tout à l'heure. De façon directionnelle. Et là, on est en quelque sorte balayé par le phare de Saturne à chaque rotation. C'est ce qui donne ces bouffées. Dernier extrait. Alors là, c'est très différent. Les ondes radio nous permettent d'étudier la magnétosphère, donc le champ magnétique de Saturne, les particules chargées, l'interaction avec le vent solaire, mais elles nous permettent aussi d'étudier l'atmosphère de Saturne. Et il se trouve que Saturne a une météorologie très très dynamique. On a observé une dizaine d'orages très intenses pendant la durée de vie de la mission Cassini. Et le dernier d'entre eux, qui était un peu après l'équinoxe, c'était en 2010-2011, était absolument colossal. Il a duré 8 mois, il s'est étalé autour de toute la planète sur un parallèle. Ce qu'on appelait la tache blanche. Qui a entouré toute la planète. Et au plus fort, cet orage, d'une part, produisait jusqu'à 10 éclairs par seconde. Ces éclairs peuvent être 1000 fois plus intenses que ceux de la Terre. Et le bilan d'énergie, le rapport d'énergie dans l'atmosphère, double en fait le bilan d'énergie de Saturne. C'est-à-dire que Saturne émet plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Et en fait, deux fois autant avec ces éclairs. Ce qui est une particularité de la planète. Alors on va essayer d'examiner les principaux apports scientifiques de cette mission Cassini-Huygens. Vous avez déjà abordé quelques-uns de ces aspects, notamment ces vastes tempêtes et la météorologie extrêmement dynamique de l'atmosphère saturnienne. Pour ce qui est de l'historique, alors je vais renvoyer les auditeurs à l'autre émission que nous avions consacrée précisément à Saturne au début du grand final au mois de mai. On va pas reparler de l'historique de la mission Cassini-Huygens, mais de ces informations scientifique, à commencer peut-être par un propos un peu général, c'est l'incroyable dynamisme, ce que je disais tout à l'heure, de ce système saturnien, c'est-à-dire les échanges permanents entre Saturne, ses anneaux et ses satellites. Jean-Pierre Le Breton, pardon. Oui, alors c'est un sujet que je ne maîtrise pas totalement moi-même, mais c'est vrai que ce qui est vraiment fascinant, c'est d'avoir observé ces découvertes, ces petits satellites, et de qui sont à l'intérieur des anneaux et de voir comment ils, je vais dire, manipulent la matière des anneaux et comment ils créent des vagues, comment ils créent des perturbations. Et cette interaction, à ma connaissance, est vraiment quelque chose qui était totalement nouveau. Et Cassini, avec ses instruments très performants, a vraiment permis de faire plusieurs découvertes qui vont nous permettre, je pense, de mieux comprendre la, disons, cet aspect de la dynamique cosmique, en quelque sorte, entre des petits objets et des grains de poussière, et formés en anneaux. On vient de vous mettre sur le fil Twitter de l'émission, le compte La Méthode FC, les photos magnifiques de cette grande tache blanche qui s'étire tout du long dans l'hémisphère nord de Saturne. Un mot sur cette notion de système dynamique, oui, de continuum saturnien. C'est vraiment fondamental sur Saturne, parce que Saturne, finalement, le système de Saturne, qu'est-ce que c'est? C'est la planète avec son atmosphère, son intérieur, ce sont les anneaux, ce sont les satellites et c'est la magnétosphère. Voilà. Et en fait, presque tout interagit avec tout. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jean-Pierre, les satellites, en fait, gouvernent les anneaux, en quelque sorte. Ils limitent certains anneaux, ils craignent des gaps, ils torsadent certains anneaux. Mais bien sûr, la gravité de la planète joue aussi un rôle là-dedans. Maintenant, ces satellites, ils produisent aussi du gaz et du plasma, comme Encelade, qui va interagir avec la magnétosphère. Les anneaux occasionnent des pluies de composés de l'eau, en fait, sur l'atmosphère. L'atmosphère elle-même va réagir aux apports d'énergie, des éclairs d'orage. Donc, tout est lié. Et on a effectivement des choses qui changent tout le temps et qui changent parfois de manière pas très compréhensible. Et ça a été une vraie surprise, une vraie découverte. On n'a pas encore... Les données de Cassini-Huygens vont être exploitées pendant des années et des années, mais on ne s'attendait pas à trouver vraiment cette dynamique du système saturnien. Disons qu'en ce qui concerne Saturne, l'atmosphère, les anneaux, la magnétosphère, je pense que la variabilité, la richesse est plus grande que celle qu'on attendait. Et alors, en ce qui concerne Titan, je passe la parole à Jean-Pierre, et là, je crois que c'est un festival. Alors, on va essayer de compartimenter, parce qu'on parlera de Titan et d'Encelade, qui sont aussi les deux grandes surprises, découvertes, enseignements de cette leçon, de cette mission Cassini-Huygens. J'aimerais qu'on redise encore peut-être quelques mots d'abord de Saturne, de la planète en tant que telle. On a parlé des tempêtes géantes, on a aussi découvert quelque chose qui était invisible depuis les télescopes terrestres ou en orbite, c'est ce qu'on appelle la rose de Saturne, ce magnifique cyclone au pôle Nord, hexagonal, des photos incroyables. Un mot sur ce cyclone, Jean-Pierre Le Breton. Alors, ce cyclone, le cyclone, il est vraiment, il est au centre de cette structure hexagonale. Alors, la dimension de la structure hexagonale, c'est... Ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai lu récemment que c'était 13 800 km de côté. Donc, deux fois la dimension de la Terre, en quelque sorte. Qu'est-ce qui crée et maintient cette structure hexagonale? Parce qu'apparemment, depuis qu'on l'a découverte il y a plusieurs années maintenant, elle est toujours présente. Donc, elle est entretenue par certains phénomènes fluides qui se passent dans l'atmosphère. Et je pense que ce sera un sujet qui occupera les chercheurs et ceux qui modélisent. Parce que maintenant, il y a des modélisateurs sur ordinateur qui arrivent à reproduire ces phénomènes. Et ça, c'est vraiment intéressant. L'explication, pour l'instant, moi, je ne la connais pas vraiment. Mais si je peux me permettre, au sujet de la tache blanche, je vais poser une question à Philippe. Est-ce que c'est bien la tache qui a d'abord été découverte par un amateur exact. Et qui a ensuite alerté, en quelque sorte, l'équipe Cassini? Exact. Les images de Cassini sont prises selon une programmation qui est établie longtemps à l'avance, et donc on ne regarde pas partout à chaque instant. Et là, il se trouve que début décembre, vers le 12 décembre 2010, des amateurs qui, eux, observent Saturne dans sa globalité avec des instruments plus petits, ont vu un nuage se déployer dans l'hémisphère nord, assez visible. Alors, c'est assez marrant, il faut rappeler quand même que il y a eu une dizaine d'orages observés sur Saturne entre 2004 et 2009, et tous l'étaient à 35 degrés de latitude sud, dans ce qu'on a appelé l'allée des orages, un storm alley en fait. Et ensuite on a eu l'équinoxe en 2009, après l'équinoxe, il y avait eu une accalmie, et après l'équinoxe s'est déclenché cet orage géant, donc l'équinoxe on change de saison, et là il est apparu à 35 degrés de latitude nord cette fois-ci. Parce que la révolution de Saturne autour du Soleil c'est 24 ans. C'est 29 ans et demi. Voilà, 29 ans et demi. Et donc là on a changé de saison, on était dans l'été de l'hémisphère sud à l'arrivée, on est passé dans l'été de l'hémisphère nord, et un an environ après l'équinoxe, cet orage énorme est apparu dans l'hémisphère nord, à la position symétrique, donc 35 degrés nord. Et il a effectivement été détecté par des amateurs, et donc les caméras de Cassini ont été reprogrammées pour l'observer. Vous avez évoqué tout à l'heure, Philippe Darquin, un autre phénomène intéressant qu'on ne suspectait pas, ce sont des aurores polaires. Oui, en fait, on les soupçonnait tout à fait, hein, parce que à partir du moment où on sait depuis Voyageur hein, que Saturne a un champ, enfin depuis Pionnier même, que Saturne a un champ magnétique, avec Voyageur, on avait une première vision des aurores et des émissions radio, mais là, en couplant en fait les images de Cassini, donc en visible, ultraviolet, infrarouge, et les images du télescope spatial Hubble qui a été beaucoup utilisé en parallèle, là on a eu des images magnifiques des aurores et on a pu complètement les faire correspondre avec les sources d'émissions radio. Donc on a eu vraiment des informations très intéressantes. Un mot peut-être sur ces aurores polaires, peut-être. Et d'ailleurs, puisque vous évoquez justement cette magnétosphère, qu'est-ce que Cassini nous a appris sur la magnétosphère de Saturne qui est particulière ? Alors il nous a quand même il nous a appris plein de choses. En particulier, ça a été un véritable laboratoire de physique des plasmas. Bon, on pourra y revenir peut-être. Mais il nous a surtout légué un énorme point d'interrogation. Saturne est une planète gazeuse, géante, donc on ne voit pas de surface solide, et donc on ne peut pas mesurer la rotation de la planète solide en mesurant, par exemple, en regardant une montagne qui repasserait devant l'observateur. Bon. Et puis les nuages tournent tous à des vitesses différentes. Donc pour Jupiter, pour Uranus, pour Neptune, on a traditionnellement mesuré la période de rotation, la durée du jour, à partir de la rotation du champ magnétique qui se transmet dans les émissions radio. Donc on observe. Bon. Et donc Voyageur avait mesuré une période de 10 h 39 minutes 24 secondes, qu'on considérait être la période de Saturne. Il se trouve que dans les années 97-2000, donc avant Cassini, des chercheurs, notamment de l'Observatoire de Paris, un collègue ont, en analysant des données d'Ulysse, ont voulu remesurer la période de radio de Saturne et se sont aperçus qu'ils ont trouvé une valeur un peu différente de Voyageur. Et puis, on a continué à mesurer, et puis alors bien plus précisément avec Cassini, et on s'est aperçu que cette période variait de l'ordre de 1%. 1%, c'est énorme, c'est un quart d'heure par rapport à la durée de notre journée. Donc c'est énorme. Et deuxième surprise, en 2009, on s'est aperçu que la période mesurée dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud était différente de quelques minutes. Et évidemment, les deux hémisphères ne tournent pas en se vrillant l'un l'autre. Donc en fait, ce qu'on a compris, c'est que ce qu'on croyait être un marqueur précis de la rotation, les émissions radio, ne l'est pas pour Saturne. Alors pourquoi ça ne l'est pas pour Saturne ? J'essaie de faire bref. Bien sûr, non, mais allez-y, prenez votre temps, au contraire, c'est passionnant. En fait, pourquoi ? Parce que dans le cas de Jupiter, d'Uranus, de Neptune, même de la Terre, le champ magnétique est incliné par rapport à l'axe de rotation. Et quand la planète tourne, le champ magnétique fait une précession comme un axe de toupie. Et cette précession entraîne avec elle toute la magnétosphère, et donc on voit des modulations très fortes à la rotation. Très bien. Dans le cas de Saturne, le champ magnétique est exactement aligné avec l'axe de rotation, ce qui déjà en soi est une bizarrerie pas tout à fait explicable. De ce fait, rien ne devrait changer quand la planète tourne, puisqu'elle reste identique à elle-même, le champ magnétique. Et pourtant, tout varie avec la rotation, mais ça varie plus subtilement qu'un entraînement global. On voit des effets plus fins, des effets à l'ordre 1, et on voit en particulier un découplage entre les émissions radio, le champ magnétique et la rotation de la planète. Bien sûr, Saturne a une période de rotation, il tourne dans la même vitesse dans les deux hémisphères, mais les émissions radio, le plasma, la magnétosphère, le champ magnétique, non. Et ça, c'est intéressant à comprendre. Et un mot, alors là peut-être un peu plus brièvement, parce qu'on a encore beaucoup de choses à examiner, les satellites, les anneaux, mais sur quelque chose qui pour le coup reste encore très très énigmatique, dont on attendait, puisque vous parlez de la magnétosphère, c'est des questions autour du noyau de Saturne, il y a encore énormément d'inconnus. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'il y a des travaux français, notamment à l'Observatoire de Nice, hein, qui ont conclu avec une certaine confiance qu'il y avait un noyau solide, donc fer silicate, hein, de 25 000 km environ de diamètre, autour de ça, hydrogène métallique, puis hydrogène liquide, hélium, etc. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Yeah. Mais oui, on a du mal à dire adieu à Cassini. Never Can Say Goodbye des Jackson 5. Il est 16h35 sur France Culture. Et nous parlons donc de la fin de cette mission Cassini-Huygens tout au long de cette heure, puisque la sonde s'est précipitée tout à l'heure aux alentours de 14h. Non, 14h, c'est le moment où on a reçu le signal. Mais il était 12h31 heure de Paris quand Cassini s'est désintégré dans l'atmosphère de Saturne. Nous en parlons avec Jean-Pierre Le Breton, qui est ancien responsable scientifique et technique de la mission Cassini pour l'ESA, et Philippe Zarca, astrophysicien et directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. On va parler des anneaux un peu, de ce système dynamique. Déjà, une première chose, c'est que Cassini a découvert de nouveaux anneaux de Saturne que nous n'avions pas pu observer depuis la Terre, Philippe Zarca. Oui, alors Cassini a observé en grand détail les anneaux. Donc, il a observé l'anneau F qui est torsadé du fait de son interaction avec des satellites. Il a observé l'anneau E qui, lui, est très épais. C'est comme un tore, en fait, de matière produit par Encelade. Et puis, il a très bien mesuré donc la structure très fine des autres anneaux avec plein de gaps, de vides, de bords raides, de torsades, de structures radiales. Et il faut vous imaginer que les anneaux font de l'ordre de 200 000 km de largeur. 400 000 si on compte le tore, mais 200 000 pour la partie principale, et qu'ils font quelques dizaines de mètres d'épaisseur, et avec les vagues gravitationnelles, jusqu'à 3 km. Quoi. Et parfois moins, c'est-à-dire que ça peut être une dizaine de mètres. C'est ça. Un mot pour dire que ce qui a été aussi intéressant, c'est que du fait de la prolongation de la durée de la mission Cassini, donc qui était, je le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent, censée durer 4 ans au départ, et qui aura fini par durer 13 ans, on a pu observer des phénomènes d'accrétion de poussière stellaire. En quelques mots, si on résume à grands traits, peut-être la vie et la mort de micro-satellites. Oui, enfin, je ne peux pas vous répondre en détail là-dessus. Je sais qu'on a actuellement 62 satellites, dont 53 sont nommés, mais on a aussi 150 lunes mineures. Donc, il y a peut-être une histoire dynamique donc qui peuvent descendre à 1 km. Mmh. Et effectivement, ce qui est important de réaliser, c'est que ce qu'on a observé dans les anneaux, c'est de la physique qu'on transpose dans la formation planétaire. Jean-Pierre Le Breton, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, la première prolongation de la mission. La mission était prévue initialement pour se terminer mi-septembre 2008. Elle a été prolongée pendant 2 ans. Donc, et on a pu observer Saturne lors du passage à l'équinoxe. Donc, lorsque le soleil éclairait Saturne au niveau de l'équateur, et surtout les anneaux par la tranche. Et là, ça a permis, avec des jeux d'ombre et de lumière, en quelque sorte, ça a permis de mettre en évidence des structures verticales dans les anneaux qui sont absolument incroyables. Et belles, en plus. On a vraiment vu de très, très belles structures qui n'ont pu être observées que grâce à cette configuration du soleil par rapport à l'équateur et aux anneaux, et qui était unique pendant la période d'équinoxe. Est-ce que l'interprétation des résultats envoyés par Cassini devrait permettre à terme de privilégier une hypothèse particulière sur la formation de ces anneaux? Parce qu'il y a toujours deux hypothèses qui sont examinées un peu en contradiction. Oui. L'une qui dit que c'est un satellite qui ne s'est pas formé, et l'autre qui dit qu'au contraire c'est un satellite qui a explosé. Philippe Zarca. De ce que j'en sais, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Il y a l'hypothèse des anneaux anciens et massifs. Donc, qui serait un satellite non formé ou détruit il y a quelques milliards d'années. Et puis l'hypothèse d'anneaux jeunes, 100 millions d'années, formés de collisions plutôt. Voilà. Bon, on verra si Jean-Pierre Le Breton sur ces théories. Je ne suis pas non plus spécialiste, mais ce que je comprends, c'est que l'un des grands objectifs de la phase grande finale était de faire des observations radio en particulier pour mesurer la masse des anneaux. Et je pense que si cette observation l'observation a été faite, l'interprétation est apparemment un peu plus complexe que l'on ne pensait. Mais si on arrive à interpréter, si les spécialistes arrivent à interpréter correctement les données et à déchiffrer un peu ce qui semble un peu mélanger les données, on arrivera peut-être à donner des éléments de réponse à cette grande question, en effet, quel est l'âge des anneaux. Et il y a des spécialistes français, notamment à l'Institut de physique du globe, très voilà, compétents là-dessus. Ce sont les spécialistes maintenant de l'équipe Cassini. Alors on parle souvent de Cassini tout seul, mais il faut rétablir la vérité, lui redonner son compagnon de route, Huygens. Je me retourne vers vous, Jean-Pierre Le Breton. Huygens, c'est cet atterrisseur qui a été embarqué par Cassini et qui s'est posé sur l'une de ses lunes, Titan, c'était en 2005, et qui nous a apporté énormément d'informations passionnantes sur ce satellite, qui est le deuxième plus gros satellite naturel du système solaire. Racontez-nous un peu ce que Huygens et Cassini nous ont appris sur Titan, et c'est passionnant. Alors, Huygens, en fait, n'était pas conçu comme un atterrisseur. Ça, je crois que je dois le dire parce que on ne connaissait absolument pas la surface de Titan. D'ailleurs, initialement, lorsqu'on a commencé à concevoir Huygens, on pensait que la surface de Titan était recouverte d'un océan global. Comme le disait Jean-Yves Le Gall tout à l'heure, on ne pouvait pas voir à travers l'atmosphère de Titan. On ne pouvait pas voir à travers l'atmosphère de Titan, donc on ne savait rien sur la structure de la surface, sur la géologie de la surface. Donc, on ne pouvait pas concevoir une sonde pour atterrir sur une surface inconnue. Donc, le Huygens était conçu comme une sonde de descente après une rentrée chaude, une sonde de descente sous parachute, et le principal des mesures était fait pendant cette descente qui a duré 2h30. Par chance, parce qu'il faut un peu, il fallait aussi un peu de chance, par chance, Huygens s'est posé. Et il a continué à faire des mesures à la surface pendant plus de... Enfin, Huygens a fonctionné pendant plus de 3 heures, mais on a reçu des données par l'intermédiaire de Cassini, qui survolait à haute altitude Titan. On a reçu des données exploitables pendant plus de 70 minutes. Et comme une heure à la surface, il était naturel d'appeler Huygens un atterrisseur. Mais je rappelle que Huygens était conçu avant tout comme une sonde de descente. Vous avez dit quelque chose qui fait la particularité de Titan, c'est que Titan, vous avez prononcé le mot atmosphère, Titan a une atmosphère. Et c'est à ce titre-là qu'on avait conçu Huygens pour examiner Titan, parce que Titan nous posait des questions et suscitait la curiosité de la communauté astrophysique depuis très longtemps, justement à cause de cette particularité. Voilà, cette atmosphère... On connaissait quelques éléments de l'atmosphère de Titan avant Voyager, mais c'est vraiment la sonde Voyager qui a pu révéler que l'atmosphère de Titan était riche en composés des hydrocarbures, même assez complexes. Alors, pas avec les images, mais avec un spectromètre infrarouge qui a mesuré en quelque sorte des raies qui étaient dues à un certain nombre de molécules et de composés dans cette atmosphère. Et ce sont ces observations qui ont tout de suite suscité l'intérêt de Titan. Donc une atmosphère d'azote avec du méthane, des hydrocarbures, donc une chimie du carbone très complexe. Et il était évident que c'était l'un des aspects de Titan sur lequel on devait mettre l'accent pour une mission future. Donc il fallait vraiment avoir une sonde qui observait, analysait en détail, in situ, l'atmosphère et éventuellement la surface. Mais l'atmosphère était quelque chose d'assez unique, puisque Titan est la seule lune dans le système solaire qui a une atmosphère intense. On a longtemps décrit, et puis on reviendra sur quelque chose de passionnant, vous l'avez notifié aussi sur ces hydrocarbures de surface, mais on a longtemps décrit Titan comme une sorte de parallèle de proto-Terre, c'est-à-dire de dire que la Terre, au tout début de son histoire, pouvait avoir des points communs avec cet état-là de Titan. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que Cassini et Huygens ont confirmé cette hypothèse? Alors, oui, on a parlé aussi de Terre au congélateur. Je suis pas sûr que ce soit une bonne expression, mais c'est quelque chose qui reste en quelque sorte. Mais en fait, il s'avère que Titan est un monde très très riche, très dynamique, pas du tout congelé. Il est froid, il y fait froid, certes, il fait moins 180 degrés à la surface, mais c'est une atmosphère, une surface extrêmement dynamique, où il y a une activité fluviale intense, il y a du méthane sous forme liquide, gazeuse, solide. Il y a un cycle du méthane dans l'atmosphère de Titan et à la surface, comme il y a un cycle de l'eau sur Terre. Donc Titan s'avère bien plus riche, bien plus intéressant, bien plus fascinant que le concept de Terre congelée que l'on évoquait il y a juste après Voyager. Et puis par ailleurs, Cassini, grâce à ses instruments embarqués, a pu cartographier. Il y a 127 survols, je crois, de Titan. On a pu cartographier jusqu'à 65% du satellite. Et là, on a trouvé aussi une géographie très complexe, très riche. Alors, en fait, il y avait un instrument, initialement, qui était conçu pour cartographier la surface de Titan. C'était le radar. De passer sous l'atmosphère. Parce que le radar peut percer et traverser, les ondes radar traversent l'atmosphère. C'était l'instrument qui était conçu pour observer, cartographier la surface. Allez-y, Jean-Pierre, continuez. Il s'est avéré, dans un premier temps, que l'instrument infrarouge, le spectromètre infrarouge, le spectromètre imageur infrarouge, arrivait aussi à voir la surface dans certaines fenêtres où l'atmosphère devenait transparente. Et là, l'instrument s'appelle VIMS, s'est avéré comme un instrument bien intéressant, je ne dirais pas plus intéressant que le radar, non, mais il a permis de cartographier avec une résolution moindre que le radar dans certains cas, mais de cartographier toute la surface. Mmh. Donc on a une image de toute la surface en infrarouge et des images radar qui, collées toutes ensemble, couvrent, je pense, 70 à 80% de la surface de Titan. Mmh. Encore un mot sur Titan et puis on va passer à Encelade, qui est l'autre grande surprise et grande découverte de cette mission Cassini-Huygens. On a parlé de Titan, alors vous le dites, moins 180 degrés à la surface, un cycle du méthane, ce qui rend justement l'atmosphère et vraiment l'environnement extrêmement intéressant à étudier. Est-ce que ça en fait pour autant, comme on a pu le dire ou le lire, est-ce que ça fait de Titan une bonne candidate à l'apparition de micro-organismes, ou est-ce que c'est faire un peu trop d'extrapolation que de le dire ? Jean-Pierre Le Breton. Alors, en fait, il y a un résultat récent qui a été publié, il a fallu presque 10 ans pour analyser les données, qui a permis de comprendre quelle était la composition de la haute atmosphère, de la très haute atmosphère, dans l'ionosphère, en quelque sorte, lorsque Cassini passe régulièrement à plus de 1000 km d'altitude, qu'il y avait des molécules très complexes, et en particulier des ions chargés négativement, qui semblent induire une chimie absolument nouvelle qu'on est en train d'essayer de comprendre et qui, c'est cette chimie qui semble être à l'origine de la fabrication de molécules de plus en plus compliquées, des aérosols qui s'agrègent, deviennent de plus en plus lourds et descendent à travers l'atmosphère et se posent à la surface. Donc l'atmosphère de Titan, elle est intéressante, je dirais, de haut en bas, et à la surface, il y a beaucoup de matière qui s'est déposée. Quelle est la composition de la surface, de la matière à la surface de Titan ? La question était posée. Je pense que la question est toujours posée. Il y a un mystère sur la composition de la matière organique à la surface de Titan. Moi, je vais faire mon geek radio et magnétosphère, là, avec toujours sur Titan. Je voudrais quand même juste quelques détails. D'abord, je voudrais dire que la sonde de descente Huygens, ça fait des mesures de vent, de composition, etc. C'est très bien, mais il faut savoir où elle les a fait. Et pour ça, grâce notamment à Jean-Pierre, il y a eu une mobilisation de beaucoup de radiotélescopes sur Terre qui ont pu reconstituer à distance la trajectoire de la sonde avec une précision kilométrique. C'est à 1,5 milliard de kilomètres. C'est extraordinaire. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on a recherché des éclairs d'orage sur Titan, parce que les éclairs peuvent être favorables à une chimie, etc. Mmh. On n'en a pas trouvé jusqu'à maintenant. Donc ça, les données seront encore analysées, mais ils crèvent pas les yeux, c'est clair. Saturne, on en a beaucoup, mais pas clair, voilà. Ensuite, il faut savoir que Titan interagit avec la magnétosphère de Saturne, mais ce qui est une particularité, il interagit aussi avec le vent solaire, parce que comme Titan orbite à 20 rayons de Saturne et que la magnétosphère de Saturne fait environ 20 rayons de diamètre, elle gonfle, elle dégonfle avec la pression. Titan est tantôt dedans, tantôt dehors. Et ça, c'est assez unique, parce que les interactions qu'il a avec l'un et l'autre sont différentes, et de temps en temps, il emmène avec lui la mémoire de son interaction pendant des dizaines de minutes ou des heures. Ça, c'est super. Et puis, une dernière chose en radio, après Cassini, il y a une vie après Cassini. Par exemple, pour les études de composition chimique, etc., surtout, il y a ALMA, grand radiotélescope au Chili, qui pourra continuer à faire des mesures. Et on va passer dans la petite dizaine de minutes qui nous reste, last but not least, à Encelade, qui est là pour le coup. Est-ce qu'on peut dire que c'est la grosse surprise de cette mission ? On pensait qu'Encelade était un bout de roche et de glace totalement inerte, sans intérêt. Et là, surprise, Cassini détecte des geysers au pôle sud. Jean-Pierre Breton. Oui, là je pense que c'est vraiment la première grande surprise de Cassini. C'est ces geysers qui sont formés de vapeur d'eau, de grains de glace, de matière organique qui s'échappe de fissures dans la zone dans l'hémisphère sud, principalement près du pôle sud, et des fissures à l'intérieur, des fissures dans la couche de glace, la croûte de glace qui fait peut-être quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur, et il y a un océan d'eau liquide sous cette couche de glace, qui est sous pression. Alors, quels sont les processus qui le mettent sous pression? Ça, c'est peut-être pas complètement compris. Valérie Lenné en a parlé tout à l'heure très bien. En parlant des processus de marée, essentiellement, les interactions gravitationnelles des corps les uns sur les autres malaxent en fait l'intérieur des corps et fournissent de l'énergie. Et donc, ce qui serait à l'origine, parce qu'a priori, il n'y a pas de noyau actif dans Encelade. Non. Ça, on en est sûr, mais ce seraient les effets de marée de Saturne qui, comme sur Europe avec Jupiter, créent justement des distorsions une forme d'activité. On pense à l'activité sismique. Oui, Encelade, c'est 500 km de diamètre. C'est un dixième du diamètre de Titan. Donc, c'est beaucoup trop petit pour avoir une activité propre. Par contre, effectivement, les forces de marée... Et ces geysers, donc, alimentent en permanence l'anneau E. L'anneau, on savait qu'il y avait un anneau au niveau de l'orbite d'Encelade, mais l'origine de cet anneau était très incertaine. D'ailleurs, on ne savait pas lequel alimentait l'autre. Et en fait, là, c'est clair que c'est Encelade qui alimente, avec cette matière qui sort des geysers, l'anneau E en matière qui se disperse en quelque sorte autour de l'orbite d'Encelade. Et je crois que Encelade communique aussi que les traces d'eau que l'on trouve dans l'atmosphère de Saturne proviennent d'Encelade, qu'il y a une communication entre le satellite et la planète. En partie peut-être, mais il y a certainement aussi de l'eau dans l'atmosphère qui provient des anneaux. Oui. La fameuse, la pluie d'anneaux. Et en cela provoque également une empreinte aurorale sur Saturne. Racontez-moi ça, Philippe Zarca. En fait, d'abord, il faut dire une chose, c'est toujours mon côté geek, plasma, c'est que les geysers d'Encelade ont été découverts d'abord par le fait que la matière qui est émise est tout de suite ionisée, c'est-à-dire chargée électriquement, par le rayonnement solaire et les collisions avec les particules de la magnétosphère. Et une fois que cette matière est chargée, elle perturbe le champ magnétique. Et donc, on a mesuré la présence de perturbations avant de détecter ces geysers, qu'ensuite on a observé. Alors, il faut savoir qu'Encelade doit libérer quelques centaines de kilos par seconde de matière, dont une centaine de kilos ionisés, et donc vient alimenter, en fait, la magnétosphère. Et quelle était votre question déjà? Sur les empreintes aurorales qu'on voyait sur Saturne. Voilà. À partir du moment où une lune émet du plasma, il est possible qu'une partie de ce plasma soit accélérée, forme des courants. Le plasma, en fait, les particules chargées se déplacent le long des lignes de champ magnétique comme des perles sur un fil, comme le disait Laurent Lamy un peu plus tôt. Et donc, en fait, une partie de ce plasma, de ces courants, aboutissent dans l'atmosphère de Saturne et viennent y déposer de l'énergie. Et cette énergie crée un petit point lumineux, en fait, une aurore due au satellite. Bon. Alors, il n'y a que trois images au total, dans toute la mission Cassini, qui montre la signature en fait d'Encelade. Par exemple, Io sur Jupiter, Ganymède provoque ce genre de phénomène. Un mot important aussi, c'est que c'est via Encelade que d'un seul coup, on remet en question un concept qui jusqu'à présent était le meilleur jusqu'à preuve du contraire, celui de la zone d'habitabilité. Jean-Pierre Le Breton. Oui, alors Encelade et Titan sont rentrés dans la famille des lunes potentiellement habitables. Alors on doit être très prudent. Habitable, il faut faire attention habitable, avec le mot habitable, avec potentiellement une chimie prébiotique. Une chimie prébiotique qui pourrait se dérouler à l'intérieur de l'océan d'Encelade. Et l'intérêt d'Encelade, et j'aime bien cette expression, c'est que ces échantillons de certaines formes de vie, de microbes, pourquoi pas, viennent à nous en quelque sorte. On n'a pas besoin d'aller les chercher. Quand j'entendais M. Le Gall dire qu'on était en train d'étudier des sondes qui se poseraient à la surface d'Europe et qui iraient s'enfoncer sous la glace pour aller explorer directement l'océan, ce sont bien sûr des missions, des concepts auxquels on pense. Mais des, objectifs lointains. Par contre, Encelade, on a vraiment le bonheur en quelque sorte, si jamais on repasse au-dessus d'Encelade, à travers les jets, avec les instruments que l'on sait concevoir maintenant, on pourra faire une analyse de ces échantillons sans besoin d'aller les chercher sous quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur de glace. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et Encelade est vraiment, je crois, l'une des deux lunes, avec Europe bien sûr, mais c'est l'une des deux lunes cible privilégiée pour ce type de mission dans le futur. Pour les prochaines missions, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a commencé à s'intéresser à ces lunes glaciales Europe Encelade, en se disant qu'effectivement, activité sismique, source hydrothermale, eau, matière carbonée. Alors, activité sismique, je ne pense pas qu'on puisse parler d'activité sismique. Non, en fait, je crois que ce qu'on peut dire, et je me rappelle d'une discussion un peu sur le sujet qui avait eu le 3 janvier ici, dans ce studio, avec Olivier Grasset, sur Jupiter et Europe en particulier, je crois qu'il faut effectivement distinguer habitabilité, c'est-à-dire conditions susceptibles d'héberger la vie, comme par exemple de l'eau liquide, Si on pense à la présence d'eau liquide en surface, effectivement, on est limité à une orbite qui est un peu autour de celle de la Terre, qui va de un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Maintenant, on voit avec Europe, avec Encelade, etc., qu'il peut y avoir de l'eau liquide ailleurs. Maintenant, eau liquide, c'est un ingrédient. Chimie complexe organique, c'est un autre ingrédient. De là, aller à la vie, c'est pas évident, parce que je me rappelle qu'on avait évoqué ici avec Olivier Grasset le fait que pour que la vie soit là, il faut qu'elle ait ensemencé. Alors, ouais. S'il n'y a pas de contact entre l'océan et l'extérieur, peut-être n'y a-t-il pas d'ensemencement. Donc, il faut rester prudent. Mais les conditions d'habitabilité sont peut-être là. Un mot pour conclure, comme je le disais tout à l'heure à Jean-Yves Le Gall, Cassini est mort, vive Cassini. La suite, c'est les prochaines missions pour étudier Saturne. Est-ce que Saturne s'est fait voler justement la vedette par ses lunes, Philippe Zarca? Enfin, moi, je ne pense pas, mais je veux dire, Saturne, encore une fois, il faut bien imaginer qu'une planète, un système comme Saturne, c'est un système monde. Donc, il y a 2000 scientifiques qui travaillent sur Cassini et son système. Il y a eu 4000 articles scientifiques produits jusqu'à maintenant. Enfin, c'est absolument énorme. Donc, il y a eu des découvertes dans tous les domaines. Maintenant, je pense qu'après, effectivement, il y a des choses à refaire sur Saturne. Moi, j'avais parlé tout à l'heure, moi, j'aimerais bien un essaim de satellites autour de Saturne. J'aimerais aussi bien aller voir Uranus. Mais Encelade et Titan sont devenus prioritaires dans l'un des programmes de la NASA, le programme de mission moyenne, le programme New Frontiers. Et ces deux cibles ne faisaient pas partie de la liste des missions, des thèmes de mission à proposer. Encelade et Titan ont été rajoutés dans la liste il y a 2 ans. Et l'appel a été conclu, il y a eu des propositions. Et il y a 2 propositions. Pour des missions vers Encelade, au moins une, mais je pense 2, et 2 propositions pour retourner vers Titan. Soit en orbite, soit avec un atterrisseur, un drone, Dragonfly, le nom de la mission, un très beau nom d'ailleurs, qui irait se poser. Libellule en français, Dragonfly. Dragonfly, ça veut dire Libellule, voilà, je connais le mot anglais. Et donc, qui irait se poser, prendre de la matière, faire des échantillonnages, repartir, vraiment une mission extraordinaire. Un mot pour emboîter le pas, mais vraiment un mot, Philippe Zarca. On a Juno autour de Jupiter, Cassini-Huygens autour de Saturne, et alors Uranus-Neptune, c'est pour quand? Justement, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la partie grande finale de la mission Cassini, c'est vraiment une mission Juno autour de Saturne. C'est vraiment ça. Donc on a ces données tout à fait comparables qu'on va comparer. Et donc, comme je disais, la suite, Uranus et Neptune n'ont été visités que brièvement par Voyageur 2. Donc on voudrait y retourner en orbite. Eh bien, espérons que nous irons voir de plus près les petites cousines lointaines de notre système solaire. Merci beaucoup, Jean-Pierre Blanc-Breton. Merci, Philippe Zarca, d'avoir été avec nous pour commenter la fin de cette mission Cassini. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Hugo Bartholomei, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Elisabeth Miro à la réalisation, Jacques Azubert à la technique, Elisabeth Gornescoteau au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture à 18h20, comme chaque vendredi, le club du grain à moudre. La question qu'Hervé Gardette posera à ses chroniqueurs, faut-il remondialiser pour déradicaliser? Voilà, c'est dit. Et puis tout à l'heure, dans quelques instants, ce sera le magazine de la rédaction de Sophie Delpont, Rentrée sociale, garder ou perdre son sang-froid. Pour ce qui nous concerne, eh bien, on jette un coup d'œil à ce que nous vous avons proposé dans le labo de la méthode scientifique pour la semaine prochaine. Lundi, nous traiterons de l'obligation vaccinale. Mardi, de la grande extinction du Crétacé. Mercredi, des technologies de pointe au service de l'exploration des pyramides, jeudi de l'épineux problème de la reproductibilité des expériences, et vendredi nous serons en direct de la Biennale d'art contemporain de Lyon pour évoquer les dialogues entre l'art et les sciences. On se retrouve donc lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.